Leçon 9, page 36. L'accent de mots, l'accent de groupe, l'accent de phrase. 1. Tu vois, ce carré est vert. 2. Tu vois ce carré vert.